Chapitre 2e, le secret du lac. Vous êtes absolument certaine que les empreintes de l'homme aux yeux fous qui a effrayé Madame Peters à l'entrée et les empreintes qui se confondent avec celles de Mademoiselle Hargraves au bord du lac sont les mêmes? Demandai-je à Dorcas Dean. Absolument certaine. Alors peut-être que si vous le décrivez, le colonel pourra le reconnaître? Non, dit Dorcas Dean. Je lui ai déjà demandé s'il connaissait quelqu'un qui pourrait en vouloir à sa fille. Et il déclare qu'il n'y a personne à sa connaissance. Mademoiselle Hargraves n'a guère de relation. Et n'a-t-elle pas eu d'histoire d'amour? Demandai-je. Aucune, d'après son père. Mais bien sûr, il ne peut répondre que pour les 3 dernières années. Auparavant, il était en Inde et Maud, qui a été renvoyée chez elle à l'âge de 14 ans, à la mort de sa mère, vivait avec une tante à Norwood. À votre avis, qui était cet homme qui a réussi à pénétrer dans le domaine et à rencontrer ou surprendre Mademoiselle Hargraves au bord du lac? Un inconnu pour elle? Non, si elle ne le connaissait pas, elle ne l'aurait pas protégé en inventant l'histoire du malaise. Nous avions parcouru une certaine distance depuis la maison lorsqu'une calèche vide nous dépassa. Nous montâmes, Dorcas demandant au cocher de nous conduire à la gare. Une fois sur place, elle me dit d'aller interroger les porteurs et d'essayer de découvrir si un homme correspondant à la description de notre suspect était parti la nuit de l'accident. Je trouvai l'homme qui avait dit à M. Peters qu'il avait vu arriver l'individu en question et qu'il avait remarqué l'expression particulière de ses yeux. Celui-ci m'assura qu'il n'était pas reparti par cette gare. Il avait parlé de lui à ses compagnons et certains d'entre eux étaient sûrs de l'avoir vu. L'étranger ne portait aucun bagage et n'avait qu'un aller simple pour Waterloo. Dorcas m'attendait à l'extérieur et je lui donnai mes informations. « Pas de bagage, » dit-elle. « Alors il n'allait pas à l'hôtel ou chez un particulier. Mais il pourrait habiter quelque part dans les environs ?»« Non, les porteurs l'auraient reconnu s'il avait eu l'habitude de venir ici. Mais il a dû partir après avoir jeté Mademoiselle Hargraves à l'eau. Il est possible qu'il soit sorti de la propriété. » Qu'il ait marché jusqu'à une autre gare et qu'il ait pris un train pour retourner à Londres. « Oui, c'est possible, » dit Dorcas, « mais je ne pense pas qu'il l'ait fait. Venez, nous allons prendre une calèche pour retourner à Orley Park. » Juste avant d'arriver au parc, Dorcas arrêta le chauffeur et nous descendîmes après l'avoir congédié. « Où sont ces chiens ?»« Près de la porte privée utilisée par la famille, n'est-ce pas ?» me demanda-t-elle. « Oui, Peters m'a indiqué l'endroit cet après-midi. »« Très bien. » Je rentre à la maison. Retrouvez-moi au bord du lac demain matin vers 9 heures. Mais suivez-moi du regard jusqu'au portail. J'attendrai dehors 5 minutes avant de sonner. Quand vous verrez que je suis sur place, allez jusqu'à la partie du mur près de la porte privée. Grimpez et regardez par-dessus. Lorsque les chiens commenceront à aboyer et à vous regarder, voyez si vous pourriez vous laisser tomber et leur échapper sans que quelqu'un qu'ils connaissent les rappelle. Ensuite, repassez le mur et retournez à l'auberge. J'obéis aux instructions de Dorcas, et lorsque j'eus réussi à grimper au sommet du mur, les chiens sortirent de leur niche et se mirent à aboyer furieusement. Si j'avais lâché prise, je serais tombé tout droit dans leur croc. Soudain, j'entendis un cri et je reconnus la voix. C'était celle du gardien. Je me laissai tomber sur la route et me glissai dans l'ombre du mur. Au loin, j'entendis Peters parler à quelqu'un, et je compris ce qui s'était passé. Alors qu'il faisait entrer Dorcas, il avait entendu les chiens, et s'était empressé d'aller voir ce qui se passait. Dorcas l'avait suivi. Le lendemain matin, à 9 heures, Dorcas m'attendait. « Vous avez admirablement travaillé hier soir, » dit-elle. Peters était dans un état d'inquiétude terrible. Il était très heureux que je vienne avec lui. Il a calmé les chiens, et nous avons cherché partout dans les buissons pour voir si quelqu'un se cachait. Ce soir-là, Mademoiselle Hargraves n'a pas laissé entrer cet homme à la porte. Il s'est laissé tomber. J'ai trouvé l'empreinte de 2 pieds profonds, exactement comme si quelqu'un était tombé là ou avait sauté du mur. Est-il revenu par là? Y a-t-il des traces de pas? Je pensais avoir fait une suggestion intelligente, mais Dorcas sourit et secoua la tête. Je n'ai pas regardé. Comment aura-t-il pu repasser devant les chiens alors que Mademoiselle Hargraves gisait dans le lac? Il l'aurait mise en pièces. Et vous pensez toujours que cet homme aux yeux fous est coupable? Qui peut-il être? Il s'appelle Victor. Vous avez découvert cela? M'exclamai-je. « Mademoiselle Hargraves vous a-t-elle parlé ?»« La nuit dernière, j'ai tenté une petite expérience, alors qu'elle était endormie et qu'elle rêvait manifestement. Je suis allé discrètement dans l'obscurité, je me suis placé juste derrière le lit, et de la voix la plus bourrue que je pouvais prendre, j'ai dit en me penchant à son oreille « Maude, je… » Elle s'est levée et a crié « Victor !» En un instant, je fus à ses côtés et la trouvai tremblant violemment. « Et qu'y a-t-il, ma chère ?» lui demandai-je. « Avez-vous rêvé ?»« Oui, oui, » dit-elle, « j'ai rêvé. » Je l'ai apaisée et lui parlai un peu, puis elle s'est recouchée et s'est endormie. « C'est déjà quelque chose, » ai-je dit, « d'avoir le prénom de cet homme. »« Oui, c'est un début. » « Mais je pense que nous aurons le nom aujourd'hui. Il faut que vous alliez en ville et que vous fassiez une petite commission pour moi tout à l'heure. En attendant, tirez cette barque et ramez jusqu'à l'île aux oiseaux. Je veux la fouiller. Vous ne pensez tout de même pas que l'homme s'y cache ? » dis-je, « c'est trop petit. » « Amenez-moi là-bas, » ordonna Dorcas en montant dans la barque. J'obéis et nous nous retrouvâmes sur la petite île. Dorcas examina attentivement le lac dans toutes les directions, puis elle fit le tour, examina le feuillage et les roseaux qui s'y trouvaient au bord et tombaient dans l'eau. Poussant soudain de côté une masse de végétation proche et surplombante, elle plongea sa main dans l'eau et en sortit un chapeau de feutre noir, saturé d'eau. « J'ai pensé que si quelque chose avait dérivé cette nuit-là, c'est là qu'il aurait échoué, » déclara Dorcas. « Si c'est le chapeau de cet homme, il doit être parti tête nue. »« Tout à fait, » répliqua Dorcas, « mais vérifions d'abord si c'est le sien. Ramez tout de suite vers le rivage. » Elle essora l'eau du chapeau, le pressa, l'enveloppa dans son mouchoir de poche et le plaça sous son manteau. Lorsque nous débarquâmes, je me rendis à la loge et je demandai à Madame Peters de me parler de l'homme aux yeux fous. Je m'enseignai sur quel genre de chapeau il portait, et Madame Peters répondit que c'était un chapeau de feutre avec une couronne au milieu, et je sus que notre trouvaille était bonne. Lorsque je le dis à Dorcas, elle esquissa un petit sourire de satisfaction. « Nous avons son prénom et son chapeau, » dit-elle. « Maintenant, nous voulons le reste. Vous pouvez facilement prendre le 11h20. »« Oui. » Elle tira une enveloppe de sa poche et en sortit une photographie. « C'est le portrait d'un beau jeune homme, » dit-elle. « D'après le style et la taille, je pense qu'il a été pris il y a 4 ou 5 ans. Les photographes sont de la London Stereoscopic Company. Le numéro du négatif est 111-492. Si vous allez à Regent Street, ils chercheront dans leur livre et vous donneront le nom et l'adresse de l'original. Notez-les et revenez ici. » « C'est lui ? » demandai-je. « Je pense que oui. » « Comment l'avez-vous obtenu ?» Pendant que Mademoiselle Hargraves dormait, je me suis amusé à regarder l'album qui se trouvait dans son boudoir. Il s'agissait d'un vieil album rempli de portraits de parents et d'amis. Je dirais qu'il n'y en avait plus de 50, certains d'entre eux étant probablement ses camarades de classe. J'ai pensé que je pourrais trouver quelque chose. Les gens reçoivent des portraits, les mettent dans un album et oublient presque qu'ils s'y trouvent. J'ai pensé que Mademoiselle Hargraves avait peut-être oublié. « Mais comment l'avez-vous choisi parmi 50 ? Il y avait d'autres portraits d'hommes, je suppose. »« Oh oui, mais j'ai sorti chaque portrait et j'examinais le dos et la marge. » Je pris la photo de Dorcas et je l'examinais. Je remarquai qu'une partie du dos avait été enlevée par frottement et était rugueuse. « Cela a été fait avec une gomme, » déclara Dorcas. « C'est ce qui m'a permis de me concentrer sur cette photo. » Un nom y était inscrit ou un mot que le récipiendaire ne voulait pas que d'autres voient. Ce n'est qu'une supposition. Tout à fait. Mais il y a une certitude dans la photo elle-même. Regardez bien cette petite épingle à foulard en diamant dans la cravate. Quelle est sa forme ? On dirait un petit V. Exactement. Il y a quelques années, il était de bon ton pour les messieurs de porter une petite épingle à initiale. V est l'initiale de Victor. Prenez cela et l'effacement ensemble et je pense que cela vaut un aller-retour en ville. Pour découvrir quel nom et quelle adresse se trouve en face du numéro du négatif dans les livres de la London Stereoscopic Company. Avant 14h, je m'entretenais avec le directeur de la Stereoscopic Company, qui s'empressa de feuilleter les registres. La photographie avait été prise 6 ans auparavant, et les noms et adresses du modèle étaient M. Victor Dubois, Annerley Road, Norwood. Suivant les instructions de Dorcas Dean, je me rendis immédiatement à l'adresse indiquée et me renseignai sur un certain M. Victor Dubois. Personne de ce nom n'y résidait. Les locataires actuels étaient en place depuis 3 ans. En revenant sur mes pas, je rencontrai un vieux facteur. Je lui demandai s'il connaissait ce nom dans le voisinage. Il réfléchit un instant, puis dit « Oui, maintenant que j'y pense, il y a eu un Dubois, ici au numéro… » Mais c'était il y a 5 ans, ou plus. C'était un vieux monsieur, aux cheveux blancs. Un vieux monsieur, Victor Dubois. Ah non, le vieux monsieur s'appelait Mounser Dubois. Mais il y avait un Victor. Je suppose que c'était son fils qui vivait avec lui. Je connais le prénom. Il y avait des lettres adressées à M. Victor presque tous les jours, parfois deux fois par jour, toujours avec la même écriture, celle d'une dame. C'est ce qui m'a marqué. Et vous ne savez pas où sont allés M. Dubois et son fils ? Non. J'ai entendu dire que le vieux monsieur avait perdu la tête et qu'il avait été placé dans un asile d'aliénés. Mais ils sont sortis de mon secteur. Vous ne savez pas ce qu'ils faisaient, je suppose. Oh, il y avait écrit sur la plaque du laiton, professeur de langue. Je retournai en ville et pris le premier train pour Godalming. Puis je me rendis à Orlecourt pour faire part à Dorcas des résultats de mon enquête. Elle était manifestement satisfaite, car elle me complimenta. Puis elle sonna. Nous étions dans la salle à manger, et le domestique entra. « Voulez-vous faire savoir au colonel que je voudrais le voir ?» dit Dorcas. Et la servante alla porter le message. « Vous allez tout lui expliquer ?» demandai-je. « Je ne lui raconterai rien pour l'instant, » répondit Dorcas. « Je veux qu'il me dise quelque chose. » Le colonel entra. Son visage était usé, et il était manifestement très inquiet. « Vous avez à me parler ?» dit-il avec impatience. « Avez-vous découvert ce que ma pauvre fille me cache ?»« Je crains de ne pas pouvoir vous l'expliquer pour l'instant. » Mais je voudrais vous poser quelques questions. Je vous ai déjà donné toutes les informations possibles, répondit le colonel avec un peu d'amertume. Tout ce dont vous vous souveniez. Mais essayez maintenant de réfléchir. Votre fille, avant votre retour des Indes, était chez sa tante à Norwood. Où a-t-elle été éduquée depuis qu'elle a quitté l'Inde? Elle est d'abord allée à l'école à Brighton, mais dès l'âge de 16 ans, elle a suivi des cours particuliers à la maison. Elle avait des professeurs, je suppose, de musique, de français, etc. Oui, je le crois. J'ai payé des factures pour ce genre de choses. Ma sœur me les envoyait en Inde. Vous souvenez-vous du nom de Dubois ? Le colonel réfléchit un peu. Dubois, dit-il. J'ai l'impression qu'il y avait un tel nom dans les factures que ma sœur m'a envoyées. Mais je ne saurais dire s'il s'agissait d'une couturière ou d'un professeur de français. Je pense donc que nous allons considérer que votre fille a reçu des leçons à Norwood de la part d'un professeur de français nommé Dubois. Maintenant, dans les lettres que votre défunte sœur vous a écrites en Inde, a-t-elle jamais mentionné quelque chose qui l'ait choqué à propos de Maud ? Une seule fois, répondit le colonel, et tout s'est expliqué de façon satisfaisante par la suite. Un jour, elle a quitté la maison à 9 heures du matin et n'est rentrée qu'à 4 heures de l'après-midi. Sa tante était extrêmement fâchée. Et Maud expliqua qu'elle avait rencontré des amis au Crystal Palace. Elle y suivait des cours de dessin. Qu'elle était allée voir un de ses camarades à la gare et qu'assise dans le wagon, le train avait démarré avant qu'elle n'ait pu sortir et qu'elle avait dû continuer jusqu'à Londres. Je pense que ma sœur m'a raconté cela pour me montrer à quel point je pouvais compter sur elle en tant que tutrice de ma fille. « Elle a continué jusqu'à Londres, » me dit Dorcas d'une voix grave, « et elle aurait pu sortir en 3 minutes à la prochaine station de Norwood. » Puis se tournant vers le colonel, elle lui dit « Maintenant, colonel, quand votre femme est morte, qu'avez-vous fait de son alliance ?»« Grand Dieu, madame !» s'exclama le colonel en se levant et en faisant les 100 pas dans la pièce. « Quel rapport peut-il y avoir entre l'alliance de ma pauvre femme et le fait que ma fille était jetée dans le lac ?»« Je suis désolé, si ma question semble absurde, » répondit Dorcas tranquillement. « Mais voulez-vous bien y répondre ?»« L'alliance de ma femme est à son doigt, dans son cercueil. » Au cimetière de Simla, s'exclama le colonel. Et maintenant, peut-être, allez-vous me dire ce que tout cela signifie ? Demain, répondit Dorcas. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je veux aller me promener avec M. Saxon. La femme de chambre de Mademoiselle Hargraves est avec elle et tout ira bien jusqu'à mon retour. Très bien, s'exclama le colonel. Mais je vous prie de me dire ce que vous savez dès que vous le pourrez. Je suis en train d'espionner ma propre enfant et pour moi, c'est monstrueux. Et pourtant, que puis-je faire ? Elle ne veut pas me le dire. Et pour son bien, il faut que je sache. Vous le saurez, colonel Hargraves, le rassura Dorcas en s'approchant de lui et en lui tendant la main. Croyez-moi, vous avez toute ma sympathie. Le vieux colonel saisit la main tendue par Dorcas Dean. Merci, dit-il, les lèvres frémissantes. Dès que nous pénétrâmes dans le parc, Dorcas Dean se tourna vers moi avec empressement. « Je vous traite très mal, » dit-elle, « mais notre tâche est presque terminée. Vous devez retourner en ville ce soir. Demain matin, à la première heure, rendez-vous à Somerset House. Vous y trouverez un vieil homme nommé Daddy Green, dans la salle des recherches. Dites-lui que vous venez de ma part et donnez-lui ce papier. quand il aura mené ses investigations, télégraphiez-moi le résultat et revenez par le prochain train. » Je regardais le papier et il lisait, écrit de la main de Dorcas, « Recherche souhaitée. Mariage, Victor Dubois et Maud Eleanor Hargraves. » Probablement entre les années 1890 et 1893, Londres. Je levai les yeux de la note vers Dorcas Dean. « Qu'est-ce qui vous fait penser qu'elle est mariée ? » dis-je. « Ceci !» s'exclama Dorcas en tirant de son sac une bague de mariage flambant neuve. « Je l'ai trouvée parmi un tas de bibelots, au fond d'une boîte que sa femme de chambre m'a dit être son écrin. J'ai pris la liberté d'essayer toutes ses clés jusqu'à ce que je l'ouvre. Une boîte à bijoux révèle de nombreux secrets à ceux qui savent les lire. Et vous en concluez ? Qu'elle ne garderait pas une alliance si elle n'avait pas appartenu à quelqu'un qui lui est cher, ou si elle n'avait pas été mise à son propre doigt. Elle n'est pas du tout usée, vous voyez. Alors on l'a enlevée immédiatement après la cérémonie. Ce n'est que pour m'en assurer que j'ai demandé au colonel où était celle de sa femme. Je me rendis donc à Somerset House, et peu après-midi, Daddy Green, le chercheur, apporta un papier et me le remit. C'était une copie du certificat de mariage de Victor Dubois, célibataire, âgé de 26 ans, et de Maud Eleanor Hargraves, âgée de 21 ans, à Londres, en 1891. Je télégraphiai la nouvelle en indiquant simplement « oui » et la date, et je suivis mon télégramme par le premier train. Lorsque j'arrivai à Worley Park, je sonnai plusieurs fois avant que quelqu'un ne vienne. Puis Madame Peters, très blanche et très excitée, vint du jardin et s'excusa de m'avoir fait attendre. « Oh, monsieur, un drame terrible » dit-elle. « Un corps dans le lac !»« Un corps ?»« Oui, monsieur, un homme. » L'infirmière qui vous accompagnait ce jour-là ramait sur le lac et elle a dû le heurter avec son aviron, car il est remonté, emmêlé dans de mauvaises herbes. C'est un homme, monsieur, et je crois bien que c'est l'homme que j'ai vu au portail cette nuit-là. L'homme aux yeux fous ? M'exclamai-je. Oui, monsieur, oh, c'est épouvantable. Mademoiselle Maud d'abord, et puis ça. Oh, qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire ? Je trouvai Dorcas debout au bord du lac et Peters et deux des jardiniers en train de soulever le corps sans vie d'un homme pour le mettre dans l'embarcation qui était à côté. Dorcas donna des instructions. « Mettez-le dans la barque et couvre-le d'une bâche, » dit-elle. « Attention, il ne faut rien toucher jusqu'à ce que la police arrive. Je vais aller chercher le colonel. » Lorsqu'elle se détourna, je la rejoignis. « Quelle horreur ! Est-ce du bois ?»« Oui, » répondit Dorcas. « Je me doutais qu'il était là hier, mais je voulais le trouver moi-même au lieu de faire sonder le lac. Pourquoi ? Je ne voulais pas que quelqu'un d'autre fouille ses poches. Il aurait pu y avoir des papiers ou des lettres, vous savez, qui auraient été lus à l'enquête et auraient pu confondre Mademoiselle Hargraves. Mais il n'y avait rien. Quoi ? Vous l'avez fouillé ? Oui, après avoir amené le pauvre homme à la surface avec les rames. Mais comment pensez-vous qu'il s'est retrouvé là ? Démon suicidaire. Le père a été placé dans un asile d'aliénés. Vous l'avez appris hier à Norwood. Le fils a sans doute hérité de cette tendance. Il a attaqué Mademoiselle Hargraves, qui l'avait probablement retrouvé après des années de séparation, et après l'avoir tué, comme il le pensait, il s'est noyé. Quoi qu'il en soit, Mademoiselle Hargraves est une femme libre. Elle était manifestement terrifiée par son mari lorsqu'il était en vie, et c'est pourquoi... Je devinais ce que pensait Dorcas lorsque nous nous rendîmes ensemble à la maison. À la porte, elle me tendit la main. « Vous feriez mieux d'aller à l'auberge et de retourner en ville ce soir, » dit-elle. « Vous ne pouvez plus rien faire de bon. Et vous feriez mieux de ne pas vous en mêler. Je serai à mon domicile demain. Venez à Oak Tree Road dans la soirée. » Le lendemain soir, Dorcas me raconta tout ce qui s'était passé après mon départ. Paul l'avait déjà pris, et à mon arrivée, il me remercia abondamment pour l'aide que j'avais apportée à sa femme. Madame Lester s'était toutefois sentie obligée de faire remarquer qu'elle n'aurait jamais pensé qu'une de ses filles irait se promener dans le pays à la recherche de cadavres pour gagner sa vie. Dorcas était allé voir le colonel et lui avait tout raconté. Le colonel était dans un état terrible, mais Dorcas lui avait dit que le seul moyen d'établir la vérité était qu'ils aillent ensemble voir la malheureuse fille et tentent, avec les faits en leur possession, de la persuader de divulguer le reste. Lorsque le colonel annonça à sa fille que l'homme qu'elle avait épousé l'avait jeté à l'eau cette nuit-là, elle resta muette et devint hystérique. Mais lorsqu'elle apprit que Dubois avait été retrouvé dans le lac, elle s'alarma et en parla instantanément à tous ceux qu'elle connaissait. Elle avait pris l'habitude de rencontrer régulièrement Victor Dubois lorsqu'elle était à Norwood, d'abord avec son père, son professeur de français, puis seule. Il était beau, jeune, romantique, et ils étaient tombés follement amoureux. Il devait s'absenter quelque temps pour se rendre à l'étranger pour du travail. et lui avait demandé instamment de l'épouser secrètement. Elle y avait consenti sottement, et ils s'étaient séparés à l'église, elle retournant chez elle et lui partant à l'étranger le soir même. Elle recevait de temps en temps des lettres de lui clandestinement. Puis il avait écrit que son père était devenu fou et devait être transféré dans un asile d'aliénés et qu'il revenait. Il n'avait que le temps de s'occuper du transfert de son père et de retourner à son travail. Elle n'eut pas de nouvelles de lui pendant longtemps. Puis, par l'intermédiaire d'un ami de Norwood qui connaissait les Dubois et leur famille, elle se renseigna. Victor était retourné en Angleterre et avait été victime d'un accident qui l'avait gravement blessé à la tête. Il était devenu fou et avait été placé dans un asile d'aliénés. La pauvre fille résolut alors de garder à jamais le secret sur son mariage, d'autant plus que son père était revenu des Indes et qu'elle savait combien il serait amèrement peiné d'apprendre que sa fille était l'épouse d'un fou. Le soir de l'affaire, Maud se trouvait seule dans le parc. Elle se promenait au bord du lac après le dîner, lorsqu'elle entendit un bruit et les chiens se mirent à aboyer. En levant les yeux, elle vit Victor Dubois escalader le mur. Craignant que les chiens n'abattent Peters ou quelqu'un sur les lieux, elle courut vers eux et les fit taire, tandis que son mari descendait d'un bond et se tenait près d'elle. « Suis-moi, » lui dit-elle, craignant que les chiens ne l'attaquent ou ne recommencent à aboyer. Il le conduisit près du lac qui était hors de vue de la maison et de la loge. Elle oublia pour un moment, dans son excitation, qu'il était fou. Au début, il fut doux et gentil. Il lui dit qu'il avait été malade et interné dans un asile, mais qu'il en était sorti récemment guéri. Dès qu'il avait recouvré sa liberté, il était parti à la recherche de sa femme et s'assura auprès d'une vieille connaissance de Norwood que Mademoiselle Hargraves vivait maintenant avec son père à Hawley Park, près de Godalming. Maud le supplia de s'en aller rapidement, et elle lui écrirait. Il essaya de la prendre dans ses bras et de l'embrasser, mais instinctivement elle s'éloigna de lui. Instantanément, il devint furieux. Pris d'une soudaine folie, il la saisit à la gorge. Elle se débattit et se libéra. Ils étaient au bord du lac. Soudain, le maniaque le saisit à nouveau à la gorge et la précipita dans l'eau. Elle tomba à l'eau jusqu'à la taille, mais parvint à se traîner jusqu'au bord du lac, mais avant d'émerger, elle s'évanouit, heureusement avec la tête sur le rivage, juste hors de l'eau. Le meurtrier, pensant probablement qu'elle était morte, avait dû s'aventurer dans les eaux profondes et se noyer. Avant de quitter Hawley Park, Dorcas conseilla au colonel de laisser l'enquête se dérouler sans qu'il jette la moindre lumière sur l'affaire. Il devait seulement veiller à ce que la police reçoive l'information qu'un homme, correspondant à la description du suicidé, avait récemment été libéré d'un asile psychiatrique. Nous apprîmes plus tard que lors de l'enquête, un représentant de l'asile était présent et que le jury local avait conclu que Victor Dubois, un aliéné, était entré dans le domaine d'une manière ou d'une autre et s'était noyé dans le lac alors qu'il était temporairement sous l'emprise de la démence. Le coroner suggéra que Mademoiselle Hargraves, qui était trop malade pour assister à l'enquête, n'avait probablement pas vu l'homme, mais qu'elle avait peut-être été alarmée par le bruit de ses pas, ce qui expliquerait qu'elle se soit évanouie sur la rive. Quoi qu'il en soit, l'enquête se termina par un verdict satisfaisant et le colonel emmena peu après sa fille à l'étranger avec lui pour un voyage sur le continent, dans l'intérêt de sa santé. Bien entendu, nous ne savions rien de tout cela le soir qui avait suivi cette découverte mouvementée, lorsque je rencontrai Dorcas une fois de plus sous son propre toit. Paul était ravi de retrouver sa femme qui se consacra à lui, et qui ce soir-là n'eut d'yeux et d'oreilles pour personne d'autre que lui, pas même pour son fidèle assistant. Ainsi s'achève Le secret du lac, une enquête de Dorcas Dean par George R. Sims.